أن الاتهام الباطل أمر لا يجز عنه أحد لكنه مفتقر للبرهان كغيره من الدعاوى التي لا يعتد بها ما لم تقم على بيانات صحيحة الذي le fait d'accuser faussement, tout le monde peut le faire. C'est à la portée de tout le monde de lancer des accusations sur les gens. Quand, tant que l'accusation n'est basée sur aucune preuve, elle n'est pas prise en compte. Et il a dit qu'Azalik, les NBA n'y ont pas échappé. Les plus grands savants parmi les imams n'y ont pas échappé. Et même, j'ajoute même que même Allah n'a pas échappé aux langues de ces créatures qui l'ont critiqué et qui l'ont sous-estimé ou même qui l'ont renié bilkulliya. Donc que dire hein, de ceux qui sont moindres qu'eux. Et il dit même ces accusations innahu in kana fi sabilillah ta'ala fa huwa mamdaha wa rifha wa laysa muzimma. Il a dit même le fait de te faire accuser injustement alors que tu es fi sabilillah, justement en vérité c'est un éloge envers toi et c'est une élévation de ta part. Toute personne qui est sur le haq, qui appelle le haq et qui se critique pour ça, en réalité, ces critiques sont un éloge pour dire, en fait, lui, il est sur le haq. Pas de la part des opposants. Mais un as-salihin, on dit, si eux le critiquent, c'est qu'il est bien, en fait. D'accord? C'est qu'il est bien. Comme quand on entend les koufars, qui, mathalan, insultent l'islam. Pourquoi ils insultent l'islam? Parce que c'est une bonne religion. Après, en darajat, ils accusent principalement les salafis. Pourquoi? Parce que ce sont sur la vérité. Wahhabites, et extrémistes, et radicaux et kaza et kaza et kaza, blabla. Donc en réalité quand un kafir te dit t'es un wahhabi extrémiste, quand tu dis merci, je suis honoré, ça m'honore ce que vous me dites, merci. D'accord? Et on parle d'un kafir qui lorsqu'il dit ça, il est on va dire à la ilm dans le sens, à main ignorance autre chose. Mais vous l'ignorez, il fait que répéter ce qu'il a entendu des autres. Donc quand un kafir te dit ça, sois pas vexé, au contraire. Tu dis, venant de lui, je prends comme étant, c'est-à-dire, je suis à la sabbat, je suis fait, alhamdoulilah, j'applique quand même ma religion un minimum, que ça l'énerve lui, alhamdoulilah. Et les moutadiyah, pareil, quand ils s'en prennent aux gens de la sunna, c'est pareil. Prends-le comme un éloge de ta part. C'est-à-dire que tu n'es pas sur la bid'a, qu'ils ont bien vu que tu n'es pas comme eux. Alhamdoulilah.